Howdy, howdy, il y a le rouge, je t'aime. Bien déjà, c'est franchement pas mal. Hier, j'ai fait tomber ma carte son. Du coup, je me sers de la carte son de mon... Non, 80, non. Non, pas 80. Du coup, je me sers de ma machine en guise de carte son.